princesse, Malouse fait clochette. Tes ailes fragiles sont comme des poésies qui flottent dans les cimes. Attends, attention à toi, c'est la neige que voilà. Elle va t'avaler comme un mini bonbon avec ses grands flocons. Vu d'en haut, tu parais si fragile. Vu d'en haut, tu parais si fébrile. Abrite-toi là, sous cette feuille d'arbre. Elle te fait des signes, te construit un abri où tu seras tranquille. Allez viens, je t'emmène au chaud, blotti dans mon manteau, collé à mon cœur qui tambourine en fa et qui chante pour toi. Vu d'en haut, tu parais si fragile. Vu d'en haut, tu parais si fébrile.